my name is Johnny John. Rock Johnny. Rock, merci pour les fans. Thank you. Instagram. Instagram now. I just know. Hey, Mr. Cramp, you gonna make all my family hear your country? Hey, Mr. Cramp, my family cannot. Mr. Cramp, my family says no. Hey, Mr. Cramp, my family is black. Are you going to? Thank you. putain, je la connais pas, c'est la honte. Croquer la fortune, à décroiser la lune, à bouffer des homards, et ça sent la morue, jusque dans le cœur des frites, que leur corps se m'invite, venir plus, puis se lève en riant, dans un bruit de tempête, renferme leur paquette. Depuis là, Sharon qui danse. Et qui crie à la joie dans le port d'Amsterdam. Il y a Sharon qui danse et qui crie à la joie. Et qui crie à la joie dans le port d'Amsterdam. Il ne sait plus comment faire. Pourtant il va se défaire de cette place qui le tue. Sharon. Parce que sinon, il y en a un, il va rester devant. Parce que j'entends rien avec mon casque. I'll be right back. Dans un bien. Thank you. Je l'ai ce jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie. Ma vie. Oh, Brunaldo, professionnel, player, what are you doing here? D'abord, je suis pas ta grande, parce que c'est pas la peine de parler dans le possessif. Je ne suis pas à toi, je ne t'appartiens pas. D'accord ? Oh, We'll be right back. sur de la peau, je tape sur de la peau, je tape sur de la peau. Je tape, je tape, je tape, je tape, je tape, je tape, je tape. Peau contre peau, peau contre peau, je tape sur de la peau. Yeah. ou R&B. Thank you.